Bonjour, nous sommes Margot Belliol. Bonjour. Pierre-Louis Bolz. Bonjour. Et moi-même, Mathias Castéran, étudiant en dernière année d'école d'ingénieur de Purpan. Aujourd'hui, nous vous embarquons avec nous à travers un échange autour des questionnements suivants. L'agroécologie peut-elle nourrir le monde? Qu'est-ce que l'agroécologie? Peut-on concilier agriculture durable et sécurité alimentaire mondiale? Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tout est produit en cidre devrait être interdit. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc oui, comme je le disais, on est en dernière année d'école d'ingénieur. Et c'est vrai que moi, ça me fait un peu bizarre de me dire que bah, dans une semaine, on a fini. Et du coup, je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Enfin, quelle sera notre place? Et oui, ça me fait un peu bizarre. Bah, je suis d'accord avec toi, Mathias. J'ai un peu le même sentiment. Là, dans quelques semaines, on finit les cours et on va devenir ingénieur agronome. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire exactement. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, le système agricole actuel, il est un peu à bout de souffle. Et d'autant plus qu'on est, spécialisé en agroécologie. Moi, je me pose des questions sur quel sera notre rôle et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour un certain changement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, hein. Moi aussi je me pose pas mal de questions, mais bon, je pense qu'à travers de notre formation, on a eu quand même pas mal de leviers, pas mal de solutions, notamment l'agroécologie qui fait partie des leviers qu'on a vachement étudiés. Donc je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, on devrait quand même trouver les moyens et savoir quoi faire. Non, mais je vous rejoins tous les deux sur ces propos. Ça va faire 2 ans qu'on parle d'agroécologie, on s'est même spécialisé dans ce domaine d'approvisionnement, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce terme? Alors, moi, personnellement, si je devais donner une définition de l'agroécologie, je reprendrais celle du CIRAD, qui définit l'agroécologie comme une transition des systèmes agricoles et alimentaires vers des modèles plus durables, équitables et résilients. Qu'est-ce que tu entends, Mathias, par résilient? Alors, pour moi, la résilience, c'est la capacité des petites exploitations qu'elles ont à se maintenir dans le temps. C'est pour moi très important parce que ces petites exploitations, elles font partie quand même du patrimoine français. Donc c'est super important de les préserver et c'est pour ça que pour moi l'agroécologie, si on parle d'agroécologie, on entend forcément résilience parce que ça fait quand même partie des gros leviers de l'agroécologie selon moi. Non mais pour te compléter un peu, l'agroécologie pour moi c'est surtout une façon de reconcevoir les systèmes agricoles en se basant sur la diversité biologique, les processus naturels comme le cycle de l'azote ou le cycle de l'eau, tout cela pour favoriser les écosystèmes en général, mais c'est avant tout aussi un mouvement social qui prône la souveraineté alimentaire. Ça part d'Amérique latine, comme par exemple au Brésil, où c'est surtout là-bas un combat d'idées et d'intérêts contre l'accaparement de l'alimentation par l'agrobusiness. Et cela est soutenu par des organismes qui ont, comme par exemple l'alliance La Viva Campesina, qui est une alliance mondiale qui regroupe des millions de petits producteurs, de paysans, et qui ont pour but de défendre les principes et objectifs sociaux, culturels et politiques dans ce concept qu'est l'agroécologie. Mais je vous rejoins tous les deux. Je rajouterais juste un truc, c'est que pour moi, l'agroécologie, il faut le voir comme quelque chose d'assez global. Pour moi, c'est transdisciplinaire, l'agroécologie. Pour moi, ça englobe la sociologie, la psychologie, l'agronomie, l'économie et même la politique. Et je pense qu'il faut voir l'agroécologie comme quelque chose de global. Et je rajouterais aussi qu'en France, c'est Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture française de 2012 à 2017, qui a été le premier à poser le terme d'agroécologie dans le débat public. Et lui, son idée, c'était que l'agroécologie, c'est une transition fondamentale vers une agriculture durable, compétitive et respectueuse de l'environnement. Et en fait, son ambition à Stéphane Le Foll, c'était de faire de la France un leader européen en termes d'agroécologie grâce à sa puissante agriculture, à sa recherche poussée avec le CIRAD et l'INRA et à ses agriculteurs qui sont très formés. Donc, bah, merci Margot, j'avais pas vraiment tous les éléments concernant l'histoire de l'agroécologie, donc merci. Je connaissais un peu Stéphane Le Foll, ce qu'il a écrit. Oui, Mathias. Voilà. Et du coup, je pense que si on regroupe un peu tout ce qu'on a dit sur l'agroécologie et nos diverses opinions, je pense qu'en vrai, on peut faire une définition assez complète de l'agroécologie. Donc, c'est sympa. Mais Du coup, on a vu la théorie, ce qui est bien, parce qu'il faut un peu de théorie dans chaque pratique. Mais concernant l'application sur le terrain, concrètement, comment ça se traduit? Parce que je ne sais pas si vous avez des exemples. Moi, j'en ai un. Je peux vous faire deviner, si vous voulez. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait au Sénégal pour pallier à la faible fertilité des sols sans utiliser d'intrants chimiques? Bah, j'imagine qu'on épand du fumier. Ouais, les élevages. Alors, ça se fait aussi, mais là, en l'occurrence, je vais vous amener sur une pratique un peu plus atypique, ce qui s'appelle les arbres fertilitaires. Alors, fertilitaire, c'est le mélange entre fertilisant et utilitaire, donc ça fait fertilitaire. Du coup, c'est des arbres qui perdent leurs feuilles lors des périodes de pluie, et du coup, ils n'entrent pas vraiment en compétition avec les cultures en dessous. Et dans un deuxième temps, ça apporte aussi de la matière organique au sol, surtout dans ces zones qui ont des sols assez secs, et qui sont donc pauvres en matière organique, donc apporter de la matière organique, c'est un gros bénéfice. Bon exemple. Ouais. Bah, je peux en apporter un aussi. Ça me fait penser, est-ce que vous savez ce que c'est que la milpa au Mexique? C'est un champignon? Non, moi je dirais peut-être que c'est une plante ou une culture spécifique. Pas tout à fait. En fait, la milpa, c'est une association de trois cultures qui se cultivent au Mexique depuis plus de 9000 ans. Et en fait, donc c'est le maïs qui sert de tuteur aux haricots, les haricots qui enrichissent le sol en azote grâce à leur nodosité, tandis que le large feuillage des courges, donc la troisième plante, qui agit comme un pays vivant, qui donc limite l'évaporation de l'eau et l'apparition des mauvaises herbes. Et ça marche vraiment ? Eh bien, figure-toi que oui, ça marche très très bien. En fait, cette diversité de cultures, ça permet de limiter les attaques des ravageurs et ça permet aussi une grande rentabilité économique puisqu'on n'utilise pas d'intrants et on a des très très bons rendements. Donc en fait... Ça nous fait nous questionner sur est-ce qu'on utilise encore bien les principes agronomiques fondamentaux aujourd'hui? Non, mais c'est bien vos exemples. Mais vous parlez que de cas qui se passent dans la ruralité. Mais vous oubliez que dans les futures années, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vivre en ville. Donc depuis ces dernières années, on voit certaines pratiques se développer pour se réapproprier ces milieux et pour permettre la création de nouvelles sources alimentaires pour les citadins. Mais tu parles de nouvelles sources, mais faire de la grande culture en ville ou même de l'élevage extensif, ça me paraît un peu compliqué, non? Dans des villes comme Paris ou Toulouse. Oui, t'as raison Mathias sur ce point-là, mais je parlais plutôt de petites productions comme les légumes, les fruits ou encore les petits élevages comme les volailles. Et ces projets peuvent s'inscrire dans la philosophie qu'est l'agroécologie en permettant l'accès à une nourriture saine et locale aux habitants aux alentours. Et c'est dans ce contexte qu'on peut voir apparaître des espaces mixtes qui vont avoir plusieurs fonctions, donc comme les toits par exemple, les toits des immeubles, où ils vont avoir une première fonction d'abriter les gens en dessous et une seconde fonction de support de biodiversité ou de support de l'agriculture urbaine. Et est-ce que vous sauriez me dire quel est le potentiel de toits à Paris qui peuvent être support de l'agriculture urbaine en hectares? Au pif, j'imagine 200 hectares. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de toits à Paris, mais moi je viserais plus 100-120 hectares quand même. Oh, vous êtes un peu optimiste quand même, mais ça serait plutôt aux alentours de 80 hectares de toits disponibles d'après le rapport de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme en 2022 qui a fait ce rapport. Et cela permettrait de faire une optimisation de cet espace qui n'a qu'une seule utilité aujourd'hui. C'est bien ton idée Pierre-Louis, mais concrètement ça ne va pas vraiment nourrir la France de faire pousser des légumes sur les toits. Non, mais c'est vrai Margot, sur ce point-là, surtout l'exemple de Paris où ça ne va pas réellement répondre aux besoins des Parisiens, notamment en fruits et légumes sur une année, mais on peut citer l'exemple dans d'autres villes comme au Sénégal, à Dakar, où 70% de la production agricole se fait en ville. Ok. Bah, du coup, c'est sympa nos exemples, hein, mais en vrai, en écoutant, je me pose quand même une question, c'est est-ce que vraiment ce genre de pratique qui semble quand même assez niche et pas très très répandue, est-ce que ça nous permettrait d'atteindre une certaine sécurité alimentaire? C'est une question, je sais pas. Et Mathias, c'est quoi pour toi la sécurité alimentaire? Ah oui, alors pour moi je le définirais comme le fait que chacun puisse manger à sa faim. Alors je pense que c'est quand même plus complexe que ça, mais bon, j'avoue que j'ai pas trop cherché sur le sujet. Bah écoute Mathias, si tu veux, je peux t'aider. J'ai fait mon mémoire de troisième année sur la sécurité alimentaire. Alors d'après la FAO, la sécurité alimentaire, elle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui leur permet de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle parce que la FAO vient de sortir l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde pour 2025. Et je me rappelle de quelques chiffres. Je me rappelle que 8,2% de la population mondiale a connu la faim en 2024 et 2,3 milliards de personnes dans le monde sont en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Alors il faut noter que ce sont quand même des chiffres en baisse, même si ce sont des chiffres qui sont alarmants. Oui, ok, bah t'as parlé de la quantité, mais t'as peut-être oublié le côté économique. Alors, j'ai vu aussi dans un article de la FAO que les produits alimentaires dans le monde, ils ont continué d'augmenter. Depuis 2022 notamment, ils sont passés de 4 $ en PPA à 4,50 $ en PPA en 2024, ce qui montre quand même une augmentation assez... C'est quoi que t'appelles PPA, Mathias? Oui. C'est vrai, j'ai oublié de dire ce que c'était PPA. Alors, PPA, ça veut dire la parité de pouvoir d'achat, et c'est par personne et par jour. Donc, ça mesure la quantité de biens et de services qu'une personne peut acheter par jour. Et ça, indépendamment du pays, qu'il soit au Sénégal, en France ou même en Amérique. Ben oui, non, mais tu fais bien de me reprendre. J'ai parlé de l'aspect quantitatif, mais pas de l'aspect économique. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Dans son rapport, la FAO, elle explique qu'en fait, cette augmentation du coût d'accès à la nourriture, c'est notamment dû au contexte géopolitique, à la guerre en Ukraine notamment et à la crise du Covid. Et en fait, ça fait se poser des questions sur... le contexte géopolitique mondial, en fait, se dire qu'il impacte autant l'accès à la nourriture de certains pays. Et moi, je me pose la question, est-ce que l'agroécologie, ça va réellement pouvoir répondre à la sécurité alimentaire de presque, on sera 10 milliards de personnes dans quelques années? Et ça fait se poser des questions. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, hein, est-ce que l'agroécologie, vraiment, elle pourrait permettre de nourrir le monde? Ou de nourrir... même beaucoup de gens, mais je pense qu'on a quelques réponses, parce que Pierre-Louis, je pense qu'il me semble qu'on avait vu certaines études qui montraient que l'agroécologie, en vrai, c'est un point plutôt positif. Non, mais c'est vrai. Pendant ces dernières années, des études ou des rapports de différents organismes sont sortis pour évoquer cette question du potentiel et de l'intérêt de l'agroécologie. Tout d'abord, le GIEC ou l'IPES Food, qui est un groupe d'experts indépendants sur la question des systèmes alimentaires durables, ont pu montrer qu'il y a une nécessité d'aller vers des pratiques agroécologiques pour produire notre alimentation. Pour eux, c'est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire, la santé des sols et la résilience au choc climatique pour les générations futures. Et pour parler plus concrètement du potentiel, d'après les travaux de l'INRAE, on peut y voir que les pratiques agroécologiques peuvent permettre de maintenir des rendements suffisants tout en réduisant drastiquement la dépendance aux intrants chimiques, mais cela doit passer tout d'abord par une transformation du système. C'est vrai, Pierre-Louis, je suis en train de regarder en même temps que toi. C'est vrai que la FAO, elle décrit l'agroécologie comme un pilier de la transition agricole mondiale. Et l'IPES Food, elle dit que passer à l'agroécologie serait indispensable pour garantir la sécurité alimentaire, la santé des sols et la résilience au choc climatique. Oui. Alors, donc du coup, au final, on peut se poser pas mal de questions sur l'agroécologie. Enfin, moi, notamment, j'en ai quelques-unes. C'est que, est-ce que finalement, passer à un modèle qui repose essentiellement sur l'agroécologie, est-ce que c'est vraiment réalisable lorsqu'on parle de sécurité alimentaire et de dépendance alimentaire? Et puis même, rien qu'à l'échelle de la France, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible de vivre seulement avec l'agroécologie comme modèle? Moi, ça, c'est des questions que je me pose en vrai et j'ai pas vraiment la réponse. Non, mais je vous propose qu'on aille voir quelqu'un qui pourrait nous éclairer sur ce sujet-là. En attendant, avant ça, nous allons écouter un extrait d'une interview de Marc Dufumier, agroécologue et professeur agro-paritech. Très bien, oui, donc ça peut paraître surprenant et y compris c'est un peu contradictoire avec ce que disait mon professeur d'il y a longtemps, René Dumont, qui disait que nous allions à la famine, il y a encore des famines et des disettes, ça on en parlera, et qu'il fallait impérativement réguler les naissances. Alors je pense qu'il y a de bons motifs de réguler les naissances à l'échelle mondiale, mais je ne mets pas en avant l'argument de la famine. Et ma conclusion de mes travaux aujourd'hui, c'est de dire qu'effectivement, il y a des formes d'agriculture qui relèvent d'une agroécologie scientifique. Donc je parlerai un peu d'agroécologie en tant qu'agroécologue, c'est-à-dire comme discipline scientifique. Et il y a des formes d'agriculture concrètes qui relèvent de l'agroécologie scientifique, qui sont à même effectivement de nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants sur la planète. Donc pas de crainte majeure pour les années 2050, même 3000. C'était un extrait d'une interview de Marc Dufumier sur la question de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire. Vous êtes toujours sur Agro J'écoute avec Pierre-Louis, Mathias et Margot. Nous sommes actuellement avec Philippe Pointereau. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes agronome, vous avez travaillé 42 ans pour Sol Agro, où vous avez participé à la création du scénario After 50, un projet de prospective agricole et alimentaire. Vous êtes également président de la fondation Terre de Liens, qui œuvre à la préservation des terres agricoles et à la transmission de celles-ci. Vous vous êtes intéressé particulièrement à la question « Est-ce que la France nourrit le monde ?» Vous avez publié des articles dans des journaux comme le 1, ainsi qu'un livre « Le pouvoir de notre assiette » sorti aux éditions Utopia en 2023. Monsieur Pointereau, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la viabilité d'un modèle agricole en agroécologie en France. Monsieur Pointereau, quelle est votre définition de l'agroécologie ? Alors ma définition, vous en avez déjà donné pas mal de morceaux précédemment. Alors déjà pour moi l'agroécologie c'est pas un cahier des charges, c'est des principes, c'est une trajectoire. Donc c'est des pratiques qui sont pas figées, c'est aller vers plus de robustesse et de résilience, vous l'avez dit. C'est réduire l'usage des intrants chimiques, mais aussi l'usage de l'eau qui va se faire de plus en plus rare. C'est une approche systémique. Et puis surtout, c'est des savoirs partagés entre les agriculteurs et avec les chercheurs, quoi. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, parce que un agriculteur, il démarre, il change ses pratiques. Il y a aussi le changement climatique qui vient perturber fortement les agrosystèmes. Voilà, donc c'est quelque chose qui met aussi la biodiversité au cœur du système agricole et dont l'objectif aussi, c'est d'éviter toute source de pollution et de préserver les agroécosystèmes. Ok. Et donc du coup, si vous devez répondre à trois idées reçues sur l'agroécologie ou sécurité alimentaire, lesquelles choisirez-vous ? Alors, j'ai noté trois idées reçues qu'on entend pas mal en ce moment. L'agroécologie ne peut pas nourrir la France et le monde. Première idée reçue. La deuxième, c'est on ne peut pas sortir des pesticides. Et la troisième, la souveraineté alimentaire, c'est exporter plus. Alors en fait, je vais développer un petit peu, mais ces trois idées reçues, en fait, sont liées, quoi. Je pense que l'agroécologie peut nourrir la France, bien entendu, et peut nourrir le monde. Et c'est même, je dirais, la voie qu'il faut suivre. D'abord parce que c'est peut-être des pratiques les plus diversifiées qui vont permettre de mieux affronter le changement climatique qui va devenir de plus en plus prégnant, qu'il est déjà, mais qui va encore être plus présent demain. C'est aussi le fait qu'on doit sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Donc on a tous les problèmes des engrais chimiques qui consomment beaucoup d'énergie, toute la mécanisation. Voilà, donc l'agroécologie, c'est quand même anticiper toutes ces questions-là, ce que fait déjà d'ailleurs l'agriculture biologique, qui est une forme bien développée de l'agroécologie. Et sortir des pesticides, d'abord, faut quand même savoir que l'agriculture a fonctionné pendant longtemps sans pesticides. L'INRA, notre institut de recherche, a sorti un rapport aussi de sortie des pesticides, hein, et l'État met un certain nombre d'importants moyens pour aller vers cette sortie. Et pourquoi aussi il faut en sortir ? C'est parce que plus on traite, par exemple, plus les plantes et plus les champignons, plus les ravageurs deviennent résistants aux molécules. Donc en fait, c'est quelque chose qui est sans fin. Et alors que quand on raisonne avec les agrosystèmes, en fait, on s'aperçoit que les ravageurs, ils ont des prédateurs ou des parasitoïdes, qu'on a besoin des pollinisateurs pour pas mal de cultures. Voilà. Et je dirais le pivot du système, c'est quand même de diversifier les assolements, puisque en fait, chaque ravageur ou chaque mauvaise herbe est spécifique d'une culture, quoi. Voilà, ce qui veut dire que derrière ça, qu'on diversifie les assolements, on diversifie les productions, et donc un des éléments clés quand même, c'est toujours l'alimentation, et donc il faut s'assurer qu'on a bien des débouchés à ces différentes productions. Concernant l'exportation, parce qu'il est mis en avant en ce moment beaucoup par notre ministre de l'Agriculture, hein, qui soutient fortement les exportations. En fait, la face cachée des exportations, c'est que plus on exporte et plus on importe. Et ça, on ne le dit pas trop. Et en fait, je pense que l'agroécologie peut nous permettre de relocaliser les productions alimentaires en France, notamment les fruits et légumes. En fait, on a calculé, nous, à Solagro, quand j'y étais, qu'il faudrait redéployer 500 000 hectares de fruits et légumes en France pour satisfaire la demande et d'avoir aussi des produits frais. Voilà, donc c'est... L'exportation, c'est aussi, ça a aussi des impacts à la fois sur les agriculteurs français et étrangers, parce que globalement, on est quand même dans ce libéralisme sur le moins-disant environnemental et social. Voilà, comme je dis toujours, quand vous avez mangé des tomates en hiver, c'est vraiment pas la chose à faire. Parce que soit vous avez des serres en Bretagne qui consomment beaucoup d'énergie, 10 à 100 fois plus qu'une tomate de plein champ en été. Et si vous la faites venir du Maroc, les femmes qui travaillent dans les serres à tomates, elles travaillent 12 heures par jour et sont payées 1 euro de l'heure, quoi. Voilà. Donc, je pense que on peut aller vers une agroécologie qui nourrit le monde, mais ça ne se fera que si on modifie le régime alimentaire, notamment dans les pays européens, où on surconsomme des protéines animales, que ça soit de la viande, des produits laitiers ou du poisson, et qu'il faut aller vers des systèmes plus biologiques, c'est-à-dire qui réduisent l'usage des pesticides, qui a un énorme impact sur la biodiversité et sur la santé. Et pour parler plus concrètement, si vous étiez ministre de l'Agriculture, quel serait le premier changement que vous feriez ? Ah, si j'étais ministre de l'Agriculture, bon, je ne le serais pas, mais je pense que je transformerais le ministère de l'Agriculture en un ministère de l'alimentation et de l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture doit répondre à une demande alimentaire, et pour ça, le ministère de la Santé, depuis 2000, a mis en place un programme qui s'appelle le Programme National Nutrition Santé, pour faire que les Français soient en bonne santé et réduire les maladies chroniques comme les cancers ou le diabète de type 2, qui coûtent très cher à notre assurance maladie, hein, 5 milliards d'euros de plus chaque année. Et donc, en fait, quelque part, le ministère de la Santé a mis en place une feuille de route qui est de consommer 5 fruits et légumes par jour non contaminés par les pesticides, de réduire un peu l'usage des protéines animales. Et quelque part, ça donne finalement une feuille de route à l'agriculture, quoi. Donc pour moi, ça permettrait à la fois de nourrir les Français qui sont en bonne santé et quelque part aussi intégrer les enjeux environnementaux. Et donc du coup, selon vous, à l'échelle de la France, est-ce qu'un modèle agricole qui repose essentiellement sur l'agroécologie, est-ce que c'est possible à notre échelle et même à l'échelle du monde, est-ce que ce serait possible ? Alors, au niveau français, c'est ce qu'on a développé quand j'étais à Solagro depuis 2010 dans notre scénario de transition agricole alimentaire after 2050. Voilà, où là, actuellement, Solagro a produit la troisième version, 2026. Et en fait, ça ne fonctionne, comme je l'ai dit, que si on change le régime alimentaire. Parce que si vous allez vers des pratiques à bas niveau d'intrants ou biologiques, faut quand même, vous le savez très bien, le rendement du blé est limité par les apports d'azote et en bio, vous n'avez que l'azote symbiotique. Et donc, quelque part, il y a des rendements qui sont moindres. Pour le blé, environ 50% liés à cette limite en azote. Et donc, quelque part, si vous faites, par exemple, si tout le monde consommerait en bio sans changer de régime alimentaire, il faudrait 30% de surface agricole en plus. On ne les a pas. Par contre, si vous réduisez à peu près de moitié votre consommation de protéines animales, vous avez besoin de 25% de surface en moins, quoi. Voilà, ce qui permet ces 25% de surface en moins, ce qui permet d'anticiper à la fois les baisses de rendement liées au changement climatique. Le rendement du blé ne cesse de baisser depuis à peu près le milieu des années 90. D'accueillir plus de population, la France gagne à peu près 100 000 à 200 000 habitants par an. Et puis, d'anticiper aussi des pertes de terres agricoles liées à l'artificialisation, qui sont toujours présentes. On perd à peu près 60 000 hectares de terres agricoles par an. Donc c'est vrai que si on veut à la fois améliorer la santé des Français, résoudre les problèmes de pollution comme la pollution de l'eau, l'agroécologie peut nourrir le monde. Et la France et le monde, parce que dans le monde, c'est la même chose. On n'a pas la même problématique. Et je dirais même que c'est une nécessité. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça nous permet quand même d'avoir quelques éléments en plus qu'on n'avait pas de base. Et oui, ça nous permet de voir un peu plus en général. Plus clair. Moi, je vais vous laisser la place, hein, puisque vous, vous allez rentrer dans la vie active et moi, j'en suis sorti, c'est très bien. Oui, mais ça permet d'avoir la vision, votre vision quand même. Vous avez assez d'expérience dans le milieu, donc c'est sympa quand même. Donc voilà, donc en vrai, si on pourrait faire une sorte de regroupement de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on a pu entendre. Donc si l'on se rapporte à la question de base, qui était l'agroécologie peut-elle nourrir le monde, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que répondre à cette question pour le moment, ça reste quand même assez compliqué et que on n'a pas vraiment tous les éléments et ça manque de temps surtout. Et donc du coup on pourrait dire quand même que l'agroécologie elle reste quand même très diversifiée, que ça soit dans sa définition comme on a pu le faire et même à l'échelle mondiale comme nous avons pu le dire précédemment avec les exemples que nous avons sortis. Et du coup on pourrait se demander quand même au final, est-ce que sa diversité ne fait pas sa force? Ce ne serait pas sa force au final? Si, avec les éléments qu'on a pu énoncer, on sait que sa diversité lui permet d'adapter à chaque pays ou situation. Donc, est-ce que l'agroécologie peut nourrir les générations futures? Avec le modèle actuel, cela semble compromis. Il faut une restructuration du modèle pour aller vers des systèmes alimentaires plus résilients et durables. Tout à fait. Je finirai en disant que l'agroécologie, pour moi, elle pourra nourrir le monde dans les prochaines années, mais non pas en reproduisant un modèle intensif actuel, mais en restructurant en profondeur les systèmes alimentaires pour les rendre résilients, durables et socialement justes. C'était le podcast Agro J'écoute, réalisé par Campus FM en partenariat avec l'École d'ingénieurs du Purpan, la région Occitanie, la commune de Toulouse. On remercie notre invité Philippe Pointereau pour son partage de connaissances et son temps. Et vous, auditeurs, auditrices, merci pour votre écoute. À bientôt.